Chapitre 3e, les manteaux. S'appuyant contre la cheminée où brillait un beau feu, Thomas Ashley écoutait d'un air impassible ceux qui lui parlaient. M. Dare et M. Delves lui faisaient le récit de la visite à Blanc le Boucher. Samueline était debout près du secrétaire, le front plissé. La description du manteau s'accordait si exactement avec celui de Halliburton, et conduisait M. Dare à conclure que le voleur n'était autre que William. M. Delves avait la même pensée, mais l'énonçait moins affirmativement. C'est étonnant. J'aurais confié de l'or à ce jeune homme, disait-il à M. Ashley. C'est bien là une preuve que nous sommes tous susceptibles de nous tromper. Je vous assure, dit M. Dare, que ça ne peut être personne autre que Halliburton. Tu me permettras, ami Dare, de ne pas être de ton avis, interrompit le Quaker. Comment, pourquoi donc? Rien n'est pourtant plus simple. Demandez à M. Delves s'il a besoin d'autres preuves. On a pendu des gens sur des preuves moins palpables, répondit Delves. Avec quelle partie de mes déductions n'êtes-vous pas d'accord? Demanda M. Dare au Quaker. Tu affirmes, si j'ai bien compris, qu'il n'y a pas dans la ville de manteau pareil à celui de William Halliburton, précisément. Alors, ami, je te dis qu'il y en a. M. Dare ouvrit les yeux. Qu'est-ce qui importe? C'est là une autre question. Je serais fort aise de le savoir moi-même. Là-dessus, M. Lynn raconta ce que nous savons déjà, savoir qu'il avait vu un homme qu'il avait pris pour William se promener derrière sa maison, attendant apparemment quelqu'un. Je l'ai vu deux fois à un intervalle considérable. Il ressemblait tout à fait à William par la taille, le manteau, la casquette. Je lui en ai fait l'observation. Il l'a nié absolument et m'a affirmé qu'il ne s'était nullement promené du côté où j'avais vu cet homme que je pris pour Halliburton lui-même. Je crus qu'il essayait pour la première fois de sa vie de me tromper. Je... Êtes-vous sûr que ce n'était pas lui? Interrompit M. Dare. Tu me permettras d'achever, ami. Hier soir, je rentrais plus tôt que de coutume. Tu te rappelles pourquoi? Ajouta le Quaker. En regardant M. Ashley, je montai à ma chambre et je vis la même personne se promenant à la même place, exactement de la même manière. La négation de William m'avait ébranlé. La lune n'était pas levée, mais la nuit était claire. Je distinguais parfaitement le manteau. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui de William. Que pouvait-il donc faire derrière la maison, je... Quelle heure était-ce, Monsieur Lane? Interrompit le sergent. 8h30, plus tard que l'heure à laquelle je l'ai vu les deux fois précédentes. C'est évidemment William Halliburton, me dis-je. Je vais aller le surprendre et le convaincre de son mensonge. Je sortis de ma maison par la porte d'entrée, je tournai sur la route et je passai par le petit portail qui donne accès dans le champ. Je marchais sans bruit, me cachant sous la haie autant que possible, et je m'approchai du prétendu William. Il était toujours là, regardant les fenêtres supérieures. En dépit de mes précautions, il m'entendit et se retourna. Je ne sais s'il me reconnut, mais il s'enveloppa précipitamment dans son manteau et s'enfuit en courant. Je ne voulais pas être trompé. J'ouvris la porte du jardin d'Amy Jane Halliburton. Je traversai la maison et entrai au salon sans cérémonie. William était tranquillement occupé à ses livres. Ainsi donc, ce n'était pas lui, s'écria M. Dare, que ce récit intéressait. Naturellement, ce n'était pas lui. Je le répète, ami, qu'il travaillait tranquillement. As-tu prêté ce soir ton manteau à un ami? Lui demandai-je. Il eut l'air surpris et me répondit que non. Mais pour me convaincre, je le priai de me montrer son manteau. Et il me conduisit dans le vestibule où il me le montra suspendu, la casquette par-dessus. C'est pour cela que je n'approuve pas tes conclusions, ami Anthony Dare. Vous dites que celui qui portait ce manteau ressemblait à William? Demanda M. Ashley, qui rompait le silence pour la première fois. Tout à fait. Mais la ressemblance peut n'avoir été causée que par le costume. La figure ne pouvait se discerner. Accidentellement ou à dessein, elle était cachée. Je crois qu'il ne peut y avoir de meilleure preuve négative que ce n'est pas William qui a pris le biais. M. Ashley sourit. Même sans ce témoignage de M. Lynn, je vous aurais dit, messieurs, qu'il était complètement inutile de chercher à accuser Halliburton. Si vous veniez m'accuser moi-même de m'être volé, vous feriez tout autant d'impression sur moi. Attendez un instant. Il alla à la porte, l'ouvrit et appela William. Le jeune homme entra, l'air digne et franc, ne soupçonnant guère que la visite du sergent sera portée à lui. « William, commença M. Ashley, qu'est-ce qui porte dans la ville un manteau comme le vôtre ?»« Je n'en sais rien, monsieur, » répondit vivement William. « Jusqu'à hier soir, » ajouta-t-il en souriant, et en se retournant vers Samuel Lynn, « j'ai cru qu'il n'avait pas son pareil. »« S'il y en a un autre, il peut y en avoir beaucoup, » dit M. Ashley. « Le fait est, William, que le mandat était découvert. »« Il a été changé chez Blanc le Boucher par un monsieur qui portait un manteau pareil au vôtre. »« Vraiment ?» s'écria William. « Je n'en ai jamais vu. » « Il ne peut y en avoir beaucoup, » dit le sergent. « C'est une de ses formes antiques. » William regarda le sergent en face. « Voulez-vous voir mon manteau ?» lui demanda-t-il. « Cela pourrait vous aider. » Le sergent fit un signe affirmatif. « J'allais vous en prier. » William alla le chercher. « J'ai l'intention, dit-il en riant, de l'envoyer au musée d'antiquité un de ces jours. Attendez, je vais le mettre pour que vous puissiez mieux en admirer l'élégance. » Il jeta le manteau sur ses épaules et se promena comme il l'avait fait pour Samuel Lynn. « Je crois bien que le musée l'acceptera, » continua-t-il en plaisantant, « mais je ne l'enverrai pas avant que l'hiver soit passé. C'est un excellent ami durant le froid. » Les yeux de M. Delves étaient rivés sur lui. « Où ai-je donc vu ce manteau » murmura-t-il. « Et dernièrement encore. » « Vous m'avez vu, peut-être, » dit William. Le sergent secoua la tête, il leva une main contre sa tempe et se mit à se gratter doucement comme si ce procédé devait lui rendre la mémoire. « Blanc vous a-t-il dit si le changeur de billets était grand ?» demanda M. Ashley. « Oui, » dit M. Dare. « Je ne sais pas s'il entendait qu'il était plus grand que William Halliburton. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas dans la ville une centaine de personnes de cette taille, » ajouta-t-il en regardant William. « Vous êtes dans le nombre, monsieur, » dit William, en regardant en souriant M. Dare. M. Dare secoua la tête. Le regret de sa jeunesse traversait sa pensée. « Oui, jadis. Je commence à me voûter maintenant. » M. Ashley réfléchissait. Tous ces récits avaient quelque chose de mystérieux. Il ne mettait pas en doute qu'il y eût à Helstonleigh et bien des gens qui ne se feraient nul scrupule de s'approprier un billet. Mais pourquoi donc la même personne, si c'était la même, se promenait-elle aussi derrière l'habitation de Samuel Lynn ? « Ça peut fort bien ne pas être la même personne, » observa-t-il à haute voix. « Surveillerez-vous encore cet homme, Céline ? Je ne m'en donnerai pas la peine. » Tant que je tenais à m'assurer de la sincérité de William, dont je ne puis croire que vous ayez jamais douté, Monsieur Lynn, » interrompit William. « C'est vrai, je n'ai pas encore douté de toi. Mais il fallait douter de mes yeux. Le patron comprendra. » Le sergent Dales interrompit brusquement Monsieur Lynn. Il relevait vivement la tête et poussa un sifflement prolongé. « Voilà qui me paraît louche, » cria-t-il. « Que dis-tu, ami ?»« Je vous demande pardon, messieurs. Je ne parlais à personne. Je suivais le cours de mes pensées. Je viens de me rappeler subitement qui j'ai vu avec un manteau pareil. « Et qui est-ce ? » demanda vivement M. Dare. « Excusez-moi si je garde cette découverte pour moi seul. Quelqu'un d'aussi grand que William Halliburton ?» Le sergent toisait les yeux William. « Une idée plus grande. » « Et il me semble que l'homme qui s'est sauvé à travers mon champ était aussi une idée plus grande. » observa Samuel Lynn. Eh bien, je n'y comprends absolument rien, brusqua M. Dare. Accordons-nous, si vous le voulez, qu'il y ait dans la ville 50 manteaux pareils. À moins que l'un d'entre eux n'ait eu accès dans la caisse de M. Ashley, la pièce même où nous nous trouvons, comment le fait seul, qu'il y en ait d'autres, fera-t-il disparaître le soupçon qui plane sur William Halliburton? M. Dare n'avait nullement eu l'intention de blesser William. Il avait oublié que William ignorait qu'on l'avait accusé. Au milieu du profond silence qui suit ces paroles, William regardait tour à tour chacun avec surprise. « Qui est-ce qui me soupçonne ? » demanda-t-il. Le sergent d'élèves lui tapa sur l'épaule d'un air significatif. « Ne vous en inquiétez pas, mon jeune monsieur. Si ce que j'ai dans l'esprit est exact, ce n'est pas vous. » Les deux messieurs partirent. M. Ashley les accompagna jusqu'à la grande porte. Comme ils s'attardaient à causer, Frank Halliburton vint à passer. « Ah ah !» se disait le sergent. « Je suis bien sur les traces de la brebis galeuse, mais autant beau m'en assurer. »« Jeune homme, » cria-t-il à Frank de ce ton protecteur qu'il aimait apprendre, « à quelle heure votre frère William est-il rentré samedi soir ? Je suppose que vous le saurez si vous y étiez vous-même. » Frank le regarda d'un air hautain. « Je le sais, » répondit-il. « J'ai encore à apprendre pourquoi vous voulez le savoir. »« Dites-le-lui, Frank, » fit M. Ashley avec un sourire. « Un peu après 10 heures. » Y est-il ressorti ? Demanda le sergent. « Ah, par ailleurs, non, il n'est pas ressorti. Nous avons eu une longue conversation, puis nous sommes allés nous coucher. »« Ah !» fit le sergent pour toute réponse. Aussitôt, il salua M. Ashley et s'éloigna avec M. Dare. « Je vais à Oxford à Pâques, M. Ashley, » cria Frank avec animation. « Cela me fait bien plaisir, » répondit M. Ashley avec bienveillance. « Mais seulement comme servant. Je ne m'en inquiète pas, » ajouta-t-il en rejetant sa tête en arrière avec orgueil. « Que je puisse partir, et j'espère m'élever une fois au-dessus des riches. »« Vous êtes ambitieux, Frank. Je vous souhaite bien du succès. Il n'y a rien de tel que le courage. »« Oh oui, ma réussite n'est pas douteuse. Je combattrai courageusement tous les obstacles. Au revoir, monsieur. » William, curieux et inquiet, ne pouvait travailler ce soir-là. À la fin, il ferma ses livres, mit le fameux manteau et se dirigea vers la manufacture. Il y trouva M. Ashley et vit arriver un peu plus tard le sergent Delves. Ne sachant pas que William avait ses soirées libres, il avait supposé que c'était à la manufacture qu'il le trouverait. « Je désire que vous veniez avec moi chez Blanc, monsieur Halliburton, » dit le sergent. « Voulez-vous avoir la bonté de mettre votre manteau ?»« Me soupçonnez-vous ?» demanda William. « Non. Je vous ai déjà dit aujourd'hui que non. » « Le fait est, » et il baissa mystérieusement la voix, « que je fais mes petites recherches pour mon propre compte. J'ai un indice. » « Dans ce cas, il vaudrait mieux faire arrêter tout de suite le coupable, » observa M. Ashley. « Oh, ce que je sais ne suffirait pas, » répondit le sergent en branlant la tête. « Non, non, M. Ashley, encore un peu de patience. » Ils partirent avec M. Ashley, William revêtu de son manteau et de sa casquette. « Quel peut donc être le but de cet homme qui se promène le soir derrière votre maison ?» observa M. Ashley à William tout en marchant. « Je ne le devine nullement, monsieur. Il veut être pris pour vous. » Mais dans quelle intention? Pourquoi, en effet? Quel gant portez-vous? Interrompit le sergent. William sortit ses mains de dessous son manteau et les lui montra. Ses gants étaient presque noirs. Ce sont les seuls que je porte ces temps-ci. Ils sont à peu près neufs. Avez-vous porté des gants clairs ces derniers temps? Il y a des mois que je n'en ai pas mis. Ils arrivaient chez le boucher. M. Blanc était devant son étal, un couperet à la main, coupant un os en deux. Il leva la tête et salua M. Ashley. « Est-ce là le monsieur qui est venu vous changer le billet ?» demanda le sergent, sans circonlocution. M. Blanc posa son couteau et regarda William. « C'est comme le manteau et la casquette que portait l'autre, » dit-il. Les sergents de police ont l'oreille fine. « Que portait l'autre ?»« Donc vous ne pensez pas que ce soit monsieur ?»« Non, » décida le boucher. « Celui qui m'a porté le billet était plus petit. »« Plus petit ?» répéta M. Ashley, se rappelant qu'à la caisse on avait dit que l'homme qui ressemblait à William était plus grand. « Vous entendez plus grand, Blanc ?»« Non, monsieur, plus petit. Je suis sûr qu'il était plus petit. Pas beaucoup, pourtant. » Il eut un instant de silence. « Vous avez remarqué qu'il portait des gants clairs ?» demanda le sergent. « Oui, de jolis gants clairs, comme ceux que mettent les messieurs. » « Finalement, Blanc, vous affirmez que ce n'est pas monsieur. »« Non, ce n'est pas la même voix. » »« La voix n'est pas une preuve. L'autre, m'avez-vous dit, avait des pruneaux dans la bouche. »« Eh bien, je crois que j'aurais reconnu M. Halliburton en dépit d'un déguisement, s'il était venu. » « N'affirmez pas trop, Blanc, » dit le sergent, avec un signe de tête qui lui était familier. « Celui qui est venu est peut-être aussi connu que M. Halliburton. Le fait est, Blanc, qu'il y a quelqu'un qui porte un manteau pareil à celui-ci, et nous voulions savoir qui c'est. »« Monsieur, » demanda le boucher à M. Ashley, « est-ce que je perdrai l'argent ?»« Voyons, Blanc, faites-moi le plaisir d'attendre, » interrompit le sergent. « Si c'est un monsieur qui l'a changé, il est probable que nous le lui ferons rembourser. » « En attendant, ayez patience. » Ils quittèrent la boutique. « Voilà un fait qui rend les choses encore plus obscures, » observa M. Ashley. « Pas du tout. Ça les rend encore plus clairs, » répliqua le sergent. « Blanc dit que l'homme était plus petit que M. Halliburton. »« C'est justement ce que je m'attendais à lui entendre dire, » fit le sergent d'un air mystérieux. « Si je suis sur la piste, et je parierais 40 000 livres que j'y suis, l'individu qui a changé ce billet est plus petit. » Je voulais seulement que Blanc confirmât mon idée. C'est pour cela que je vous ai prié de venir avec moi, M. Halliburton. Ils se séparèrent. M. Delves alla du côté de Helstonleigh et M. Ashley reprit avec William le chemin de la route de Londres.